heaven, and even also the kingdom of this world. That you don't know does not mean that if that you don't know nothing does not mean those things cannot harm you. That's why Satan, you know, if you look at, he is the prince of darkness. He will want you not to know. Because if you do not know, you will not find solution to it. He will want you not to know, and but that thing is very harmful for you. You bet, you know, just pray that your heart to be open, that the Lord will help you to know the area that you have this hardened heart. Whatever hardened heart that is still there. So that those things can be out. Can you say it? En fait, tu peux avoir un cœur endurci sans le savoir, c'est conscient bien inconsciemment. Mais seulement le fait que tu ne le sais pas, c'est pas que ça signifie pas que ça n'aura pas des effets. Parce que même la Bible le dit aussi que le peuple périt par manque de connaissance. Ça signifie que tu peux avoir un cœur endurci et ça peut aussi te causer beaucoup de problèmes même si tu ne le sais pas où est-ce que ça est. C'est pour cela c'est important de prier et de savoir où est-ce que tu as ce cœur endurci dans ta vie. Praise the Lord. Amen. Christ is not to bring you down, but to bring you out of the spirit. Those, you know, to take you out of this evil world. It's not to destroy you. It's not against you. It's not to bring you there. It's not about you. Mm-hmm. C'est about him. Yeah. Donc Jésus-Christ n'est pas là. Le Christ n'est pas là pour te détruire ou bien te décourager. Il est là pour te sortir de te sortir de n'importe quel lien que tu es. Donc il veut te sortir de là. Et c'est pour cela que tu dois être conscient de ça et ça va t'aider. Il va t'aider à te libérer n'importe où est-ce que tu es. If you are there for him, if it is all about him, if it is really about him, he wants you to be healed more than you want to be healed. S'il s'agit dans ta vie, il s'agit vraiment de Jésus-Christ. Tu dois savoir que lui, il veut que tu puisses guérir plus que toi-même, tu veux être guéri. He wants you to be in this world more than you want to be in this world. Il veut que tu puisses être dans cette vie plus que toi-même tu veux être dans cette vie. Praise the Lord. Amen. Amen. Except if it is not all about him. Sauf si c'est pas, he is not number one. Your heart is not open. Si lui n'est pas le numéro un, ton cœur n'est pas ouvert envers lui et que tu es un pied ici, un pied dedans, un pied dehors, là ça va te causer des problèmes. You pick and choose what you will believe. Donc c'est toi-même qui es en train de trier ce que tu veux croire et laisser ce que tu veux pas croire. C'est un cœur qui n'est pas seulement concentré en lui. Pick and choose the area that fits you. Donc that tu es en train de. It's easy for you. Tu es en train de comprendre, de trier. Quelle partie du Christ que tu aimes et c'est que quelle partie tu n'aimes pas. You better allow all this world to be final. Donc c'est toi, tu dois vraiment permettre que toute sa parole puisse être finale dans ta vie. He never uses sicknesses and diseases to bring people to him. Parce que lui, il n'utilise jamais les maladies pour emmener les gens vers lui. Because all these sicknesses and diseases, they are causes. Parce que toutes ces maladies et ce sont des malédictions. Merci. Amen. They are not coming from him. They are coming from Satan. Ça ne vient pas de lui, ça vient du diable. Amen. But he is greater than Satan. Mais lui, il est plus grand que le diable. Satan has power, but he does not have salvation. Amen. Le diable, il a une puissance, mais il n'a pas le salut. But Jesus has power and he has salvation. Mais Jésus-Christ, il a le pouvoir, il a aussi le salut. He is greater than Satan. Il est plus grand que le diable. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. We quickly go into this message, which is the narrow gate. Unsere heutige Botschaft lautet der schmale Weg. Notre message, ça sera le chemin étroit. Amen. Amen. I want us to go further and deeper into the narrow gate. Der Herr möchte, dass wir uns tiefer mit dem Thema befassen, der schmale Weg. L'Éternel veut qu'on puisse parler du chemin étroit, qu'on puisse être en plus le parler en profondeur. Help me to understand that all His message, all His words, they all speak of the narrow gate. Er hat mir zu verstehen gegeben, dass alle seine Botschaften, all das, was er ausspricht, dass es um den schmalen Weg geht. Il m'a expliqué que tous ses messages, il s'agit toujours du chemin étroit. Our faith is the narrow gate. Unser Glaube ist der schmale Weg. Notre foi, c'est le chemin étroit. It's all about him. Denn es geht nur um ihn. It's narrow. Il s'agit que de lui. It's not bright, just narrow. Denn es ist kein breiter Weg, sondern ein schmaler Weg, wenn es nur um ihn geht und nur ihn sehen. Quand il dit que il s'agit que de moi, concentrez-vous vers moi, ça signifie que le chemin il est étroit, il est trop mince. Il s'agit que de lui. It's not many things, it's Christ alone. Denn es geht nicht um viele Sachen, sondern nur um Christus selbst. Il ne s'agit pas de plusieurs choses, il s'agit que de Jésus-Christ lui-même. Christ is the narrow gate. Christus ist der schmale Weg. Jésus-Christ est le chemin étroit. The reason he said we must hate all. Der Grund, weswegen er gesagt hat, wir sollen alles hassen und alles verlassen. Et c'est la raison laquelle il a dit qu'on puisse détester, on doit détester tout et laisser derrière. Wir lesen Lukas 14, Vers 26. On va lire Luc 16, Verset 26. If any man comes to me, Luc 14, verset 26, pardon. Praise the Lord, verse 26. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren, here he is talking about the narrow gate. In diesem Vers geht es um den schmalen Weg. Wenn jemand zu mir kommt und nicht hasst seinen Vater oder seine Mutter. Ici, il a dit que si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants. Même sa propre vie. Et là, il parle d'un chemin étroit. And his sister, yeah, and his own life also. He cannot be my disciple. You see something here? He's talking about the narrow gate. Hier geht es um den schmalen Weg. Et tu vois ici, il parle du chemin étroit. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 27 help us to know that salvation is personal. Vers 27 gibt uns zu verstehen, dass die Errettung persönlich ist. Verset 27 nous fait voir que le salut est personnel. Est-ce que vous le voyez? Amen. Amen. It says, and whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. He's telling you that your salvation is personal. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Das bedeutet, deine Errettung ist persönlich, an dich individuell. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Ça signifie que le salut est personnel. Christ is our narrow gate. Christus ist unser schmaler Weg. Le Christ, lui, il est notre chemin étroit. His kingdom is the narrow gate. Sein Königreich ist der schmale Weg. Son royaume, c'est un royaume étroit. And that's why in Matthew 13, not all these places we have been there before, but let us still go there. Matthew 13. Wir lesen Matthäus 13. On va lire Matthieu 13. He's telling us how narrow his kingdom is. Und hier sagt er uns, wie schmal sein Königreich ist. Et là, il nous fait voir comment son royaume, comment c'est étroit, c'est vraiment très mince. Matthäus 13, Vers 44. Matthieu 13, Verset 44. Praise the Lord. Alléluia. 44 to 46 is okay. Amen. Amen. Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field. The which when a man had found. Yeah, not anything, but just one. I just one thing, he find it. One thing I do that Paul talked about. Amen. Hier geht es nicht um mehrere Sachen, die gefunden worden sind, sondern ein Schatz, eine Sache, die gefunden worden sind, ist. Ici nous dit que le royaume des cieux est comme un trésor qui est caché, un trésor, pas plusieurs trésors, mais une chose. Amen. It's a wish when a man had found, he hid it. And for joy thereof, go out and sell it all that he had and buy that field. It's telling you how narrow it is. Und das zeigt uns, wie schmal der Weg ist. Et puis il dit que la personne a tout vendu pour acheter ce champ. Donc ça te fait voir comment ce chemin est vraiment étroit. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls. who when he have found one, just one thing I do, said Paul. This very one thing. You don't need to do many things. Just do one thing. Believe him. Und hier ist eine Sache, eine kostbare Perle gefunden worden. Und es geht nicht darum, dass mehrere Sachen gefunden worden sind oder mehrere Sachen getan werden müssen, sondern es geht um die eine Sache, die man findet. Und wir haben den Glauben in Christus gefunden. Und die eine Sache, die wir tun sollen, ist zu glauben. Et c'est, ici, il ne s'agit pas de plusieurs choses. Donc, c'est un trésor, un seul champ que cette personne a trouvé. Et il a tout laissé derrière lui. Il a tout vendu seulement pour obtenir ce trésor qu'il a fait. C'est comme nous, la même chose qu'on doit faire. On doit tout laisser derrière nous pour être concentré, pour obtenir le Christ. Praise the Lord. He said, who when he had found one pearl of great price, the price is so great to pay, to get it, went and sold all that he had, just like he told that rich young ruler, go and sell everything, then come and follow me. I give to the poor, then come and follow me. Are you getting it? Now sold all that he had and bought it. He's telling us how narrow the kingdom of heaven is. Als er diese kostbare Perle fand, verkaufte er alles, nur um diese eine Perle zu behalten. Und das zeigt uns, wie schmal dieser Weg ist. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Et il a acheté donc tout, il a tout vendu. Donc ça te fait voir comment cette porte, comment elle est étroite. It means it must be about the kingdom of heaven alone for us. Und es bedeutet, dass es uns nur um das Königreich Gottes allein gehen muss. Et ça signifie qu'il s'agit que du royaume des cieux. A narrow gate, very narrow. Ein sehr schmaler Weg. Une porte très étroite. Praise the Lord. Un chemin étroit. Let's go to Luke 16. Wir lesen Lukas 16. On va lire Luc 16. Vers 16. Lukas 16, Vers 16. Luc 16, Vers 16. Are we there, please? You see it there. Susie, can you help us to read it? Das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes verkündigt. Und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. The law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God is preached. You see, the message. So it should be all about the kingdom of heaven. John preached it. John did not come for any other thing except for the kingdom of heaven. So also is Christ Jesus. But how many people are preaching it today? It's so scarce. In churches, it's not there. It's all about how you are going to have money, how you are going to have children, how you are going to have house. You understand? The real message is the kingdom of heaven. Amen. Vom Gesetz bis zu Johannes wird das Reich Gottes verkündigt. Und das zeigt uns, dass das Reich Gottes die wahre Botschaft ist und die wahre Botschaft, die verkündigt werden soll und die man predigen soll. Aber diese Botschaft vom Reich Gottes, die hört man nicht in Gemeinden. In Gemeinden geht es um die Menschen selbst, dass du geheilt wirst, dass du erfolgreich wirst. Es ist immer gerichtet auf die Menschen, aber es ist nicht gerichtet auf das Reich Gottes, was die eigentliche, wahrhaftige Botschaft ist. Donc on doit voir que Jean-Baptiste, il a commencé depuis que le royaume était proche. Jean-Baptiste a commencé à prêcher sur le royaume. Et c'est ce que nous, on doit prêcher aujourd'hui. On doit toujours prêcher la bonne nouvelle, de prêcher le royaume. Mais ici, il y a beaucoup des églises qui te prêchent comment être à guérir, comment avoir des enfants, comment ceci, comment cela. Mais il y a peu de personnes qui te prêche selon les choses concernant le royaume. Et ici, on dit, voit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Amen. You know, in churches today, it's all about how people are going to marry. How they are going to be healed. Amen. They don't pick something out of it. In the kingdom is everything. You don't just embrace the kingdom, you have everything. Mm-hmm. I'm not picking and choosing. No, this is what I want. No, you know they are searching it. This not. No, I don't want that. No. Praise the Lord. Hallelujah. That's why nothing is working. Mm-hmm. In Kirchen heutzutage hört man von Pastoren nur noch, dass sie darüber predigen, wie man zu einer Ehe kommt, wie man einen Partner findet, wie man erfolgreich wird, wie man geheilt wird, all diese ganzen Dinge. Aber sie predigen nie das ganze Reich Gottes, das vollkommene Reich Gottes, was die eigentliche Botschaft ist. Und deswegen funktioniert auch nichts in ihrem Leben, weil sie sich Teile nehmen, sich Teile rauspicken aus dem Reich Gottes, die ihnen passen. Aber das gesamte Reich Gottes verwerfen sie, obwohl in diesem gesamten Reich Gottes eigentlich sich alles befindet, was der Mensch braucht in Christus. Le royaume de ce monde, il te dit, quand ils sont en train de prêcher, ils te prêchent comment avoir un mari, comment maintenir, éduquer les enfants, comment maintenir un mariage, des histoires comme ça. Donc ils sont en train de choisir, de trier ce qu'ils veulent, ce qui les intéresse, ce qui ne les intéresse pas. Mais dans le royaume des cieux, c'est le contraire. Tu dois seulement comprendre le royaume des cieux. Tu dois embrasser le royaume des cieux pour avoir la réponse à toutes ces choses-là. Parce que c'est la vérité, le royaume des cieux, c'est la solution à tous les problèmes. Donc, c'est pas que toi, tu commences à chercher de ta propre force, de ta propre manière à choisir ce qui t'intéresse ou ce qui t'intéresse pas. Mais quand tu as la prédication du royaume des cieux, tu l'as compris, tu as le succès dans chaque part de ta vie. Partie, oui. Praise the Lord. You don't need message of healing. You need the message of the kingdom of heaven. Du brauchst keine Botschaft, wo es um Heilung geht, sondern du brauchst eine Botschaft, wo es um das Königreich Gottes geht. Denn im Königreich Gottes befindet sich bereits deine Heilung. Tu n'as pas besoin d'un message concernant la guérison, parce que tu as seulement besoin d'un message concernant le royaume des cieux, parce que dans le royaume des cieux, ça contient aussi la guérison. You don't need message on prosperity. All you need is the message of the kingdom. Mm. Du brauchst dir keine Botschaft anzuhören, wo es um Erfolg geht. Denn das Einzige, was du brauchst, ist eine Botschaft, wo es um das Königreich Gottes geht. Tu n'as pas besoin d'un message qui va te faire voir comment avoir du succès dans ce monde. Non, tu as seulement besoin d'un message concernant le royaume des cieux. Praise the Lord. You know, here is helping us to know that without Christ Jesus, there's nothing like the kingdom of God. The kingdom of heaven. Mm-hmm. He said, the law and the prophets were until John. Mm-hmm. Since that time, that is the coming of Christ. You know, John came to introduce Christ to us. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Since that time, the kingdom of God is preached. That's the message that should be preached everywhere. Mm-hmm. And every man press it because it's a narrow gate. Mm-hmm. They press to go there. Praise the Lord. Halleluja. Und Vers 16 hilft uns auch zu verstehen, dass Jesus Christus erforderlich ist für dieses Reich Gottes, weil hier steht, das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes. Bis zu dieser Zeit, von da an wird das Reich Gottes verkündigt. Das Reich Gottes wird verkündigt, das heißt, das ist die wahre Botschaft, die eigentlich verkündigt werden sollte und die man eigentlich in Gemeinden noch hören sollte. Und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein und das tun sie, weil dieser Weg so schmal ist, dass jeder mit Gewalt sich da reindrängen möchte, dass jeder mit Gewalt diesen Weg irgendwie erhaschen möchte. Donc on voit que verset 16 ici nous dit que c'est jusqu'à Jean Baptiste, là ils ont prêché du royaume des cieux, des cieux. Et le royaume, le message du royaume des cieux, c'est le seul message qui est vraiment important. Et on voit ici que à chacun use de violence pour y entrer. Pour entrer dans ce royaume, Jésus-Christ est vraiment, il est vraiment très important parce que pour y entrer, tu as besoin de te coincer dedans. C'est vraiment, tu dois utiliser la violence en esprit pour y entrer. Amen. Why is it praise? Why must man praise to go into it? Because you know, it is praise because the system of the world is opposite it. It's opposite Christ. You have to praise it to praise because everything in of the kingdom they are opposite. Everything you know before, and you know whatever you know before must go. Mm. Are you getting it? Mm. You have to press into it because the system of this world have occupied us so much. Mm. And for them to go, it needs force. Mm-hmm. Heavy force. Mm. Und warum drängt sich jeder mit Gewalt da hinein? Weil diese Gewalt erforderlich ist, um überhaupt diesen schmalen Weg gehen zu können. Weil wir in dieser Welt, die wir leben, so vieles beigebracht bekommen haben, was das System dieser Welt entspricht. Aber diese Welt ist gegenteilig zum Königreich Gottes. Und deswegen muss man alles verlernen, was man hier in dieser Welt gelernt hat und muss sozusagen mit Gewalt, man muss sich sozusagen selber zwingen, diese Systeme, diese Normen, diese Werte dieser Welt abzulegen und muss versuchen, mit Gewalt in dieses Königreich Gottes reinzukommen. Verset 16 nous dit encore que chacun use de violence pour y entrer. Mais ça, comment ça se marche? Tu dois faire avec toute violence. Tu dois t'appuyer sur ça. Pourquoi tu dois t'appuyer sur la vérité, sur Jésus-Christ, t'accrocher, te coincer dedans? C'est parce que le système de ce monde nous a appris beaucoup de choses qui sont le contraire du royaume des cieux. Maintenant, pour effacer tout ce que tu connaissais avant qui n'a pas de sens dans le royaume des cieux, tu dois le faire avec violence. Tu dois effacer activement tout un système qui était avant. Par exemple, quand on te disait que dans le système de Dieu, de ce monde, tu crois d'abord quand tu vois quelque chose, dans le royaume des cieux, c'est le contraire. Donc, tu dois effacer ce système-là pour être capable à comprendre le royaume des cieux, et c'est pour cela que tu dois le faire avec violence. Tu dois t'appuyer sur ça. Praise the Lord. Hallelujah. Why is it praise? Why must you praise to go in? Because Christ's word does not make, his word does not make sense to the natural man. Are you getting it? Because people will call you fool for believing such thing that does not even make sense. People will laugh at you for believing that does not make sense. So you are inside the room, then your husband will just come. You don't go to Aldi and look for your husband. You don't, are you getting it? So you are just inside. You have to just be inside. Just know him alone. That's how. Praise the Lord. Hallelujah. He said, it takes praise to be there. Und warum drängt sich jedermann hinein? Weil das System von Christus und das System vom Reich Gottes für den menschlichen Verstand überhaupt keinen Sinn ergibt. Es ist für den Menschen überhaupt gar nicht nachvollziehbar mit seinem Verstand, weil das, was Christus dir sagt oder das, was du nachfolgst, was Christus sagt, dafür würde jeder andere normale Mensch dieser Welt dich für verrückt erklären und sagen, warum folgst du dem nach? Und es ist eine Gewalt, du musst dich sozusagen selbst dazu zwingen, dem mehr Glauben zu schenken, was Christus sagt. Zum Beispiel, dass du glaubst, dass du einen Ehemann findest, obwohl du jeden Tag hier in der Gemeinde bist und nicht irgendwie bei Aldi bist und nach einem Ehemann oder dass du irgendwie rausgehst, Party machst und dann irgendwann mal da irgendwie dein Ehepartner begegnest. Nein, du fokussierst dich auf Christus, du fokussierst dich auf das Reich Gottes allein und glaubst, dass sich alles fügen wird. Und das ist das, wo du dich selber sozusagen zwingen musst, um mit Gewalt in dieses Reich Gottes hineinzukommen. Par exemple, pourquoi c'est avec violence que tu dois le faire? Parce que tu dois comprendre que le système de ce monde, c'est vraiment le contraire. Et c'est, par exemple, tu te demandes, quand on te dit, quand tu crois au système de Dieu, les gens dehors, ils vont te dire que toi, tu es malade, tu n'es pas normal, parce que ce que tu es en train de croire, ça n'a pas de sens. Par exemple, quand tu dis que, ben moi, je sais que l'Éternel a un mari pour moi, ils vont te dire, mais comment il va tomber? Tu ne pars pas dans les fêtes, tu ne pars pas dehors, tu ne parles pas à Aldi, regarder les garçons, tu n'es même pas à Internet en train de chercher les garçons, il va tomber du ciel ou quoi? Le monde, les cinq sens, ça, ils ont raison concernant ce monde ici, parce qu'ils ne sont pas du royaume des cieux. Et ça, tu dois combattre, toi-même aussi, tu dois commencer à combattre contre cette idée-là. Et c'est pour cela que tu le fais par violence. Tu dois aussi faire par violence, effacer donc tout ce que tu es en train d'écouter, tout ce que les gens sont en train de dire, le système de ce monde, tu dois tout effacer, parce que c'est comme ça que le système de Jésus-Christ, tout passe à son temps, et tu dois lui faire confiance. Et ça, c'est une chose que ça se fait seulement pas comme ça, en priant. Donc c'est une décision que tu prends, et tu le fais avec violence, voilà. Praise the Lord. Hallelujah. It takes a heavy press to be there. Mm-hmm. If you look at Mark 10, Jesus told that man, you know what does not make any sense? Go and sell everything and give to the poor. Do you know what makes sense? Mm-hmm. How much you have, I will double it. Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. That's what makes sense to the natural man. Mm-hmm. How much do you have? Is it 10 houses? Now you have 20 houses, 30 follow houses. Follow me. You follow me? Are you getting it? But Jesus told this man what does not make sense. You know, to the natural man. The man will say that they'll laugh at you and say, you don't know who, so they are going to steal from you. Mm-hmm. You must press. Take press, heavy press, mm-hmm. to believe Christ. Mm-hmm. It's a narrow gate. Erinnert euch an Mark 10, wo der Herr zu dem reichen Mann sagt, verkauf alles und folge mir nach. Menschlich gesehen würde das überhaupt keinen Sinn machen, was Jesus diesem Mann geraten hat zu tun. Man würde sogar denken, dass er eigentlich hätte sagen müssen, folg mir nach und ich verdoppel dein Einkommen sogar. Folg mir nach und du kriegst doppelt so viele Häuser, wie du hast. Und ich vermehre dein Wohlstand, ich mache dich zu dem reichsten Menschen überhaupt, dass der Herr ihm diese Sachen sozusagen ans Herz legt. Aber der Herr sagt genau das Gegenteil. Er sagt, dass er alles verkaufen soll. Und für den Menschen würde es natürlich gesehen gar keinen Sinn machen. Man würde sogar sagen, ey, der will dich doch bestimmt ausnehmen. Das ist doch bestimmt eine 0800-Nummer, die dich irgendwie hochnehmen möchte oder so. Aber das ist das System des Reich Gottes. Und deswegen erfordert es Zwang, also man muss sich wirklich da reindrängen, um in dieses Reich Gottes am Ende des Tages hineinzugelangen. Rappelez-vous à Marc 10, où il y a le jeune homme qui venait vers Jésus-Christ et lui dit que, mais qu'est-ce que je dois faire pour te suivre? Jésus-Christ lui a dit, va et vends tout, donne tout ton argent aux gens qui n'ont pas d'argent et puis suis-moi. Et ce garçon-là, il est parti, il était vraiment très triste. Pourquoi il a fait ça? Parce que ça n'a pas de sens, c'est que Jésus-Christ a dit. Parce que normalement, quand tu pars chez Jésus-Christ, tu dis, qu'est-ce que je veux faire pour te suivre? Toi, tu t'y attends que Dieu te dise que je veux te multiplier encore ce que tu as. Je veux te donner encore plus d'argent. Et là, tu vas encore le suivre. Mais Jésus-Christ, il est le contraire. Il a dit que va, vends tout. Donc, il veut que tu puisses tout laisser derrière toi. Et ça n'a pas de sens pour l'être humain. Et c'est pour cela que tu as besoin de violence, de croire avec violence la parole de Dieu, parce que c'est le contraire de ton système, c'est le contraire de ta nature. Et c'est pour cela que tu dois te décider à lui croire vraiment avec toute violence. C'est pour cela qu'il dit que seulement le violent essaye d'y entrer. Et toi, si tu dois être violent en esprit pour arracher aussi ce royaume dans tes mains, pour être capable d'entrer, parce que le chemin, il est trop étroit. C'est ce qu'il veut dire quand il dit que le chemin est étroit. The kingdom of heaven is really a narrow gate. Das Königreich Gottes ist wahrhaftig ein schmaler Weg. Le royaume des cieux, c'est vraiment un chemin étroit. Even in the old. Amen. Even in the old. Elijah told that woman, give me your last food. It does not make sense. Is Elijah supposed to come there and multiply all the food? Without saying, give me. Are you getting it? He first said, you know, if I tell you, go and empty your account. Every month, be bringing all your money here, your everything. Hey, that alone is enough to make somebody provoke. Und auch im alten Bündnis sehen wir, bei Elia beispielsweise, dass er, als er zu der Witwe gegangen ist, nach der letzten Mahlzeit von der Witwe sozusagen verlangt hat, obwohl es menschlich gesehen gar keinen Sinn macht, weil diese Witwe sozusagen vor dem Tod stand und Elia menschlich gesehen eigentlich ihre Mahlzeit hätte verdoppeln müssen oder dafür sorgen müssen, dass sie reichlich Mahlzeit bekommt, anstatt ihre letzte Mahlzeit noch zu verlangen. Und das ist das, was für den menschlichen Verstand gar keinen Sinn macht. Wenn ich beispielsweise zu euch sagen würde, leere dein ganzes Konto aus und gib alles, was du in deinem Konto besitzt, in die Gemeinde. Allein das würde für andere schon zu Provokation sorgen. Aber genau das ist ja das, was das System des Königreichs Gottes ist, dass du alles verlässt und ihm alles gibst. Rappelez-vous par exemple à la femme veuve, où Élisée, Dieu a envoyé Élisée pour chez la femme veuve pour lui dire de donner même sa dernière nourriture. Ça n'a pas de sens. Quand tu regardes bien, on va te dire que c'est la dame qui n'a rien doit te donner sa dernière nourriture. Et c'est comme ça que la dame là, elle a dû croire. elle a dû croire à Élisée et à la fin on voit que elle a eu encore plus de nourriture parce qu'elle a cru. Et c'est comme ça, c'est dans le royaume des cieux. Si maman nous dit aujourd'hui, elle dit que si elle nous dit aujourd'hui que donnez-moi tout ce qui est dans votre compte, on va dire mais cette dame elle est folle, elle est pas normale. On va dire elle veut me tuer. Mais ça signifie que, et ça c'est la place où tu vois que tu ne crois pas à la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, son royaume, c'est comme ça. Tu ne vas dire que quelqu'un est en train de d'exagérer, par exemple. C'est ça, le royaume des cieux, c'est le contraire de notre système. Et c'est là aussi où ça te fait voir que le chemin, il est vraiment étroit. It takes blood. You must sweat blood to get it. Oh, when is it? Amen. Praise the Lord. Like, I don't want to go there at all because we have enough for today. Praise the Lord. Alleluia. It takes blood. Und es erfordert Blut. Jesus sweats. The sweat, the Bible said it was blood. Und zwar that's why it takes blood to have to cross. Und zwar erfordert es Blut in dem Sinne, dass du dich so krass in dieses Königreich Gottes hineinzwängen musst, dass du sogar Blut schwitzen wirst. Genauso wie Christus Blut geschwitzt hat, als er, bevor er gekreuzigt wurde. Weil dieser Weg einfach so hart und dieser Weg so schmal ist, dass du sogar Blut schwitzen wirst am Ende des Tages, um einfach zu verstehen, wie schwer und wie schmal dieser Weg ist und was es dich kosten wird. Le chemin de l'éternel, c'est aussi étroit. Tu vois, même tu vas commencer même à transpirer le sang. Tu vois que Jésus-Christ lui-même, il a aussi transpiré du sang parce que ce chemin qu'il avait décidé de mourir pour nous, c'était si étroit que sa sueur, c'était le sang. Et c'est comme ça aussi que nous aussi, notre sueur sera aussi le sang parce que tu es en train de te forcer à croire quelque chose qui est dans tes cinq sens. C'est vraiment impossible à croire. Tu te forces à le croire. Tu laisses tout derrière toi, ta famille, ton argent, tes principes, seulement pour voir Jésus-Christ. Et ça c'est, tu vas vraiment transpirer, et pas transpirer de l'eau, transpirer le sang. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a fait aussi. Praise the Lord. Attend the Lord for the widow woman. Amen. And you know, she believed. No wonder the Lord sent Elijah to her. You know, she was not the only widow woman then. No way. Praise the Lord. You already see somebody's heart that belonged to him. Are you getting it? Jesus said it. He said that the widow woman, she was not the only widow woman, but she was the one the Lord sent Elijah to. Praise the Lord. Und ich danke dem Herrn für die Witwe, die zugelassen hat, dass Elia zu ihr kommen konnte, weil sie schon eine Herzenshaltung hatte, die geglaubt hat, weil sie mit Sicherheit nicht die einzige Witwe gewesen ist, die zu dieser Zeit gelebt hat, aber weil der Herr ihr Herz schon gesehen hat und gesehen hat, dass sie ein glaubwürdiges Herz hat, hat der Herr Elia gerade zu dieser bestimmten Witwe geschickt. Und ich danke dieser Witwe, dass ihr Herz auch, dafür geöffnet hat, zu glauben. Et je remercie l'Éternel pour la femme veuve parce que elle n'était pas la seule femme veuve dans ce paysage où Élisée était partie. Mais Dieu, il a vu le cœur de cette femme. Non, il a vu que cette femme, elle avait un cœur vraiment qui était capable à se humilier. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Élisée chez cette femme-là. Et c'est pour cela qu'elle a été capable aussi à croire à l'Éternel, à dire que peut-être que je veux mourir, même mon fils pourra aussi mourir, mais je veux seulement croire à l'Éternel et faire ça. Et c'est pour cela qu'on remercie l'Éternel parce que cette dame-là a été, si elle avait un cœur si humble. Praise the Lord. Matthieu 7, verset 13 et 14. Wir lesen Matthäus 17, Vers 13 und 14. On va lire Matthieu. Matthäus 7. Yeah. Matthieu 7, verset 13 à 14. Amen. Vers 13 à 14. Matthieu 7, 13 à 14. Mm-hmm. It says, enter ye in at the straight gate. For wide is the gate, and the broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in their heart. Verse 14. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life. That's Christ. Life. Christ is our life. Remember that. Amen. How few there be that found it. Very few. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Vers 14, denn die Pforte ist Unless eng. You find it, achieve it. Mm-hmm. Vers 14, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Nur sehr wenige sind es, die den Weg zum Leben finden. Und wir wissen, dass Christus das Leben ist. Mm-hmm. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui emmène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte réservée, le chemin qui emmène à la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Et il y en a peu qui le trouvent. La vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Mm-hmm. Et Luke 16:16 said, everyone seek it, press it into it. To go into it. Then in Matthew 7, it said, few, very few, achieve it. In Lukas 16:16 haben wir gelesen, dass sich viele mit Gewalt hineindrängen. Und hier in Matthäus 7 lesen wir, dass es nur wenige sind, die diesen Weg finden. On venait de lire à Luc 16:16, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à entrer par ce chemin-là. Et à Matthieu 7:14, nous dit qu'il y a que peu de personnes qui sont capables à entrer dans ce chemin. Et il y en a peu qui les trouvent. Malgré tout le monde veut y entrer. Praise the Lord. If Christ is the narrow gate, then the narrow gate means you and me. Wenn Christus der schmale Weg ist, die schmale Pforte ist, dann bedeutet das gleichzeitig auch, dass der schmale Weg du und ich sind. Si Jésus-Christ est le chemin étroit, ça signifie que le chemin étroit, c'est toi et moi aussi. Remember, 1 John said that Jesus is, so are we right now. Amen. Erinnert euch daran, dass in 1. Right now, and not later. Erinnert euch daran, dass in 1. Johannes steht, dass so wie Christus ist, so sind auch wir jetzt in dieser Weltzeit. Et rappelez-vous que la parole nous dit que comme Jésus-Christ est, c'est comme ça que nous sommes aussi aujourd'hui. It means our focus. Das bedeutet unser Fokus. Das signifie notre concentration. It also means our vision. Und das bedeutet ebenfalls unsere Vision. Das signifie aussi notre vision. It means our relationship and fellowship with Christ and with one another. Und auch, it's narrow. Und auch unsere Beziehung und unsere Gemeinschaft miteinander. Das sind alles schmale Wege. Et ça signifie aussi que notre relation l'un vers l'autre dans notre assemblée ici, c'est aussi un chemin étroit. Amen. The narrow gate means our motive, which must be Christ alone. Der schmale Weg bedeutet ebenfalls unser Motiv, unsere Beweggründe, welche Christus allein sein sollten. Le chemin étroit, ça signifie aussi que nos motifs, non, les raisons laquelle on fait les histoires, ça doit être que Jésus-Christ lui-même. Amen. It also means our value, our desire, which must be Christ alone. Der schmale Weg bedeutet That's auch unsere Werte, das, was wir wertschätzen. All das muss Christus allein sein und deswegen sind diese Dinge ebenfalls ein schmaler Weg. Le chemin étroit, ça signifie aussi que c'est que nos valeurs, nos rêves, nos valeurs et ce qu'on aime, ça doit aussi être Jésus-Christ lui-même. Et tout ça, c'est un chemin étroit. A narrow gate means Christ, our vision. Ein schmaler Weg bedeutet auch dass Christus unsere Vision ist. Le chemin étroit, ça signifie que c'est le Christ qui est notre vision. Vision also means dreams. Und vision bedeutet auch Träume, Wünsche. Les visions, ce sont aussi nos rêves. What people plans to do. Das, was to achieve. Der Mensch, to become. Your vision. Das, was der Mensch plant, eines Tages zu tun oder zu erreichen oder wo der Mensch sich erhofft, irgendwann mal anzukommen. C'est que l'être humain est en train de planifier, c'est qu'il d'être, c'est qu'il veut. Donc c'est le non, ton vœu de ton futur. Where you are going and how to get there, your vision. Wo du hingehen möchtest und den Weg, den du einschlägst, um dahin zu kommen, das sind alles Visionen. Das beinhaltet alles diese Visionen, diese Wünsche. Tes visions sont aussi ton vœu, là où tu veux partir, là où tu veux être, là où tu voudras, ton plan pour le futur. Ça aussi, ce sont tes visions. Remember Christ's word, John 14. I am the life. I am the way to that life. You can see vision there. I am your vision. Is somebody getting something here? Erinnert euch an die Worte von Christus in Johannes 14, dass er sagt, ich bin das Leben und ich bin auch der Weg. Das heißt, der Weg ist gleichzeitig auch diese Vision, wie man dieses Leben erreicht. Er ist diese Vision. Mm. Donc ça signifie que moi je suis le chemin, moi je suis la vie, moi je suis la vérité. Ça signifie que lui, il est aussi le chemin pour notre vision. C'est lui qui doit être notre vision. Allow him to be your dream. Lass zu, dass er dein Traum ist. Permet qu'il puisse être ton, oui, ton, okay. ton rêve. Allow him to be the way, the truth and the life. Lass, oh. lass zu, dass er. How to get there? Der Weg, die Wahrheit. Where you are going and how to get there should be him alone. Lass zu, dass er allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Das heißt, dass die Art und Weise, wie du diese Dinge erreichst, der Weg, das soll er allein sein. Et permets-lui être le, la vie, le chemin, la vérité. Que c'est lui qui puisse être la, c'est seulement lui qui doit être, oui, ta vision en fait, de, ton chemin. You know, whatever you want to become in life is Christ. Mm-hmm. You see, if it is not Christ, it's Satan, no matter how good it is outside. Mm-hmm. Was immer du im Leben erreichen möchtest oder werden möchtest, ist Christus. Denn wenn es nicht Christus ist, dann ist es der Satan. Tout ce que tu veux devenir dans ta vie, ça doit être Jésus-Christ. Parce que si c'est pas Jésus-Christ, c'est le diable. It might be, you might want, you know, the Lord might want you to be a teacher, a doctor, a lawyer, or whatever. But that lawyer is himself. It's Christ. Amen. Der Herr möchte everything vielleicht... Everything is him in the kingdom of heaven. Der Herr möchte vielleicht, dass du in Zukunft ein Arzt wirst, ein Anwalt wirst, in irgendeiner höheren Position dich befindest. Aber all das, was du wirst und all das, was du beispielsweise beruflich machst, ist Christus allein. Und auch der Weg, wie du diesen Beruf erlangst, ist Christus selbst. L'Éternel veut peut-être que tu puisses être un docteur ou bien un avocat ou bien politicien, président, je sais pas. Mm-hmm. Mais ce président, ce avocat, ce docteur-là, c'est lui-même. Et le chemin pour y arriver, c'est aussi Jésus-Christ lui-même. C'est seulement ce même chemin-là. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why, you know, raison, it's not, it's different from yours. Amen. Yours is Christ. Amen. The result, that is why the result must be Christ. Amen. You know, you're learning everything, they are Christ. Amen. There's nothing outside him. Amen. Even the professor that is teaching them, he might be teaching them. The one teaching them and the one teaching you, they are different. Amen. I hope you understand it. Und genau ist deshalb auch deine Prüfung und deine Ergebnisse, deine Vorlesungen, alles, was dich betrifft und dich umgibt, ist Christus allein. Und es ist nicht dasselbe wie die anderen Kommilitonen, die beispielsweise neben dir in der Uni sitzen oder neben dir die Vorlesung sich anhören, weil sie werden beispielsweise von den Dozenten gelehrt, aber du wirst von Christus gelehrt. Sie lernen mit irgendwelchen Tutorials oder mit YouTube, aber du lernst mit dem Heiligen Geist. Deine Prüfungsergebnisse haben sie sich erzielt durch harte Arbeit, aber dein Prüfungsergebnis ist Christus. Alles, was dich umgibt, ist Christus. Donc, eux, ils peuvent étudier la même étude que toi, mais toi, sache que tes résultats, ton chemin, ton professeur, c'est Jésus-Christ. Même si eux, ils ont un autre professeur physique, tu vois, qu'ils sont en train d'étudier beaucoup, ils sont en train de faire leurs efforts, mais c'est pas la même chose. Vous avez le même étude, naturellement, oui, mais vous avez pas la même étude parce que ton professeur, c'est que tu étudies, ton chemin, c'est le Christ lui-même. C'est pour cela même le résultat, c'est Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, example of it, if you look at when the Lord spoke from heaven, when God spoke from heaven, Jesus told them what the Lord, what God said from heaven. But the people thought it was just thunder in their ears. Mm-hmm. You know, somebody standing teaching does not mean it's that person teaching. Amen. I don't know if you are getting it. If you know you as a child of God, if you are this, who is speaking is different from who is teaching. Who is speaking to you and who is speaking to them are two different people. Amen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist das, was du sozusagen oder das, was dir beigebracht wird, ganz anders. Oder die Person, die zu dir spricht, ist eine ganz andere Person als die Person, die zu einem Ungläubigen spricht. Ihr könnt beispielsweise in einem Raum sein mit einer Person, die Christus nicht hat, aber die Person, die zu dir spricht, ist Christus selbst und nicht der Dozent oder der Mensch, der vor dir steht. Donc ça signifie que vous pouvez étudier et la personne qui est devant toi, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc ça signifie que tu peux être avec tes camarades de l'école et le professeur le parle. Mais le même professeur à qui tu parles, c'est Jésus-Christ. Pour toi, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela que ton résultat, ça sera aussi Jésus-Christ. Mais toi, tu dois le savoir. Amen. You know, the teacher or the professor is still speaking. You know, their father is speaking through him towards to them. And your father is speaking through him to you. He's teaching through him. Are you getting it? Denn wenn ein Dozent vor dir steht, dann spricht dieser Dozent zum einen zu den Ungläubigen durch ihrem Vater, welcher der Satan ist, und zu dir als Kind Gottes spricht dieser Dozent zu dir durch deinem Vater, der Christus ist, und unterrichtet dich sozusagen durch Christus. Donc tu dois savoir qu'il y a le même professeur qui te parle à toi et qui parle à quelqu'un qui n'est pas du Christ. Mais c'est la personne qui parle à travers à travers le professeur chez l'autre personne, c'est son père, le diable. Mais chez toi, c'est le Christ, ton père, qui parle à toi à travers cette personne-là. C'est comme même le docteur, la personne qui va te faire opérer, on dit que c'est le Christ qui opère à travers le docteur, par exemple. Et c'est comme ça aussi, leur opération, c'est aussi à travers leur père qui est le diable. Donc, c'est toujours la même personne, mais c'est deux personnes qui agissent différents. Amen. En eux. You know how you know that. The Bible, for example. We have the same Bible. But what we hear and what they hear are two different things. Und das lässt sich auch anhand des Wort Gottes übertragen. Is somebody getting it? Amen. Und das lässt sich auch anhand des Wort Gottes übertragen, dass wir beispielsweise oder dass jeder Mensch eine Bibel haben kann oder sich eine Bibel kaufen kann, aber das, was uns der Heilige Geist durch die Bibel lehrt, ist nicht das, was der Heilige Geist denen lehrt, weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Wir werden gelehrt durch Christus, durch den Heiligen Geist, der unser Lehrer ist. Sie, wenn sie die Bibel aufschlagen, werden gelehrt durch ihren Vater. Donc ça signifie, c'est même l'exemple, c'est facile même à voir avec la Bible. Nous tous on a la même Bible, même avec les catholiques. Tous ces gens-là, on a la même Bible. Mais c'est qu'eux, ils sont en train de prêcher. Et c'est que nous, on est en train de prêcher. C'est différent. Parce que nous, on sait que nous sommes une église vivante. C'est l'éternel Jésus-Christ qui prêche à travers nous et à travers notre Bible. Il nous aide à comprendre ça. Mais eux, quand ils sont en train de prêcher, c'est différent. C'est vraiment différent. Malgré c'est la même Bible. Parce que c'est leur père, le diable, qui prêche à travers eux. Et c'est pour cela, eux, tous, c'est des églises, ça, ce sont morts. Ils ont des confusions. Ils sont toujours en train derrière guérison, argent. Je sais pas quoi, mais sont jamais derrière le royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. You know, you give them your Bible. Don't call Pope and give him your Bible. Amen. Give him your Bible and see if he will see what you see. The same Bible. The same lecturer. The same professor. You can see it. The same doctor. Amen. Du könntest dem Papst beispielsweise deine Bibel, die du zu Hause hast, ihm mitgeben und schauen, ob er durch die Bibel, dieselbe Bibel, die ihr beide sozusagen in der Hand habt, ob er dieselben Offenbarungen bekommen würde wie du. Die würde er nicht bekommen, weil du gelehrt wirst von deinem Vater, von dem Heiligen Geist, und er gelehrt wird von seinem Vater, dem Teufel. Und deswegen sind das zwei verschiedene Sachen, obwohl es eine Quelle ist sozusagen, aber der Ursprung ist ein ganz anderes und das lässt sich in allem übertragen, ob es ein Arzt ist, der ein Kind Gottes operiert, wo das Kind Gottes durch Christus operiert wird oder behandelt wird, oder derselbe Arzt ist, der ein Kind Gottes behandelt, der kein Kind Gottes behandelt und ihn durch den Vater, den Teufel behandelt. Et par exemple, tu vas voir par exemple, tu peux donner au pape la même Bible que maman. Et lui, demande-lui de te dire la même chose, de voir s'il voit la même chose, c'est comme qu'est-ce que nous on voit aujourd'hui. Ils ne vont pas voir la même chose parce qu'eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils vont voir des histoires, ils ont commencé à dire des histoires qui sont vraiment des confusions. Mais ils ne vont pas dire la vérité du Saint-Esprit parce qu'eux-mêmes, ils disent quelquefois que oui, la Bible est quelquefois contradictoire. Qu'ils disent là, aime tes parents et là, ils te disent déteste tes parents. Mais nous, on sait ce que la Bible est en train de dire. Elle n'est pas contradictoire. Et c'est là que tu vas comprendre que même avec la même Bible, ce sont deux personnes vont. C'est le diable qui parle ou c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui-même qui parle. Praise the Lord. Amen. And that's why you don't go to what they say. Amen. You go to what Christ is saying. Amen. I hope you understand. You don't go to, you know, because it's, you know, you know, what they read, what they see, they are so different. What they say, but you don't go there. You go to what Christ has for you. Und deswegen ist das, was Sie sehen und das, was Sie lesen und das, was Sie raten, ganz anders und weltlich gesinnt. Und wir folgen dem nicht nach, sondern wir sehen und wir gehen nach dem, was Christus sagt. Und wir folgen dem, was Christus sagt. Et c'est pour cela que on suit pas ce que ceux, on ne suit pas ce que eux ils sont en train de dire ou bien leur tips, leur ce que eux ils disent que c'est bien. On ne suit pas ça, on suit ce que Jésus-Christ dit que c'est bien. Praise the Lord. Hallelujah. In the natural world, people have different visions. In der natürlichen Welt haben Menschen verschiedene Visionen, verschiedene Wünsche. Dans le monde naturel, il y a les gens qui ont des visions différentes. Actually, their vision is Satan. Und eigentlich ist deren Vision, deren Wunsch, ist eigentlich der Satan selbst, weil es ohne Christus ist. Et leur vision, c'est le diable lui-même, parce que c'est sans Christ, sans le Christ. If Christ is not your vision, no matter how good, what this world call good, your vision is, Satan is your vision. Und egal, wie schön und wie friedlich und wie harmonisch diese Vision oder dieser Wunsch klingt, die eine natürliche Person hat. Dieser Wunsch und diese Vision bleibt teuflisch und bleibt vom Satan, weil sie nicht Christus beinhaltet. Et c'est pour cela leur vision, peu importe combien c'est ton c'est pour cela une vision, peu importe combien ça te semble beau et ou facile, si c'est pas le Christ qui est dans cette vision, c'est le diable qui est dans cette vision. Praise the Lord. Hallelujah. In the kingdom of heaven, Christ alone is our vision. Mm-hmm. And that is why Peter said, we left all mm-hmm. and follow you alone. Amen. Im Königreich Gottes, all about you alone. Amen. Im Königreich Gottes ist Christus allein unsere Vision. Und deswegen war auch Petrus in der Lage zu sagen, Herr, wir haben alles verlassen, weil auch er verstanden hat, dass der Herr selbst seine Vision ist. Dans le royaume des cieux, c'est seulement le Christ qui est notre vision. Et c'est pour cela que Pierre a dit, Père, on a tout laissé derrière nous pour te suivre. Parce que lui, il a compris que c'est seulement le Christ qui doit être sa vision. Praise the Lord. Hallelujah. So also, it's Paul. Paul also said, one thing I do. Praise the Lord. Hallelujah. Just one vision I have. One thing I do. Is to know you, to see you, to know you, to continue to know you, to see you. My vision is all about Christ, said Paul in Philippians 3. Let's go there, please. Wir lesen Philippa 3 und wir sehen auch da, dass es Paulus ähnlich erging und dass auch er gesagt hat, dass er nur noch eine Vision hat, dass er nur noch Christus sehen möchte, nur noch Christus kennen möchte. Et c'est pour cela dans Philippe 3, Dieu a dit que Paul a dit qu'il voit une chose qu'il voit et regarde seulement Philippiens 3, 7-13 qu'il voit seulement Jésus-Christ. Donc Philippiens 3, 13, on va le lire ensemble. Praise the Lord. Amen. Are we there, please? Philippa 3, Vers 7. Philippiens 3, verset 7. Philippiens 3, 7-13. Verse 7-13. 7-13. It's not up to 7. It's only up to 4. Praise the Lord. Hallelujah. He says, but what things we are gained to me, it's Paul that is speaking here. Those I count loss for Christ. Yea, doubtless. And I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ. Amen. Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. Lord. He suffered. Praise the Lord. Hallelujah. He said he suffered. You see that? Mm. Amen. And do count them but dung that I may win Christ. That's my vision. Are you getting it here? That I meant to win Christ. And be found in him. Verse 9. Not having my own righteousness, which is of the law. But that which is through the faith of Christ. The righteousness which is of God by faith. That I may know him. Praise the Lord. Hallelujah. This is somebody that's supposed to be a prophet. He said, he don't know anything without Christ. Amen. He said that I may know him. Amen. And the power of his resurrection. Amen. And the fellowship of his sufferings. Be made conformable unto his death. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Not as though I have already attained. Either we are all already perfect. But I follow after. If that I may apprehend, that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, verse 13. I count not myself to have apprehended. But this one thing I do. Praise the Lord. And I said, I don't have many things to do. Amen. Amen. Mm-hmm. The Lord did not give us many things to do. He gave us just one thing to do. Amen. That's the same one thing he gave Paul. Mm-hmm. One thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's go to Matthew 6. Wir sehen in Vers 13, dass Paulus darüber spricht, dass er eine Sache tut. Und genauso, also das zeigt uns, dass wir auch nicht viele Sachen tun müssen und nicht viele Sachen unbedingt machen müssen, sondern eines ist es, was Paulus hier tut. Und nur eine Sache müssen wir auch tun. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich auch nach dem, was vor mir liegt. Und es ist Christus allein. Ici, Paul, de 7 à 13, il dit beaucoup de choses qui sont importantes. Il explique aussi que, lui, normalement, il était un professeur, mais il a avoué ici que malgré, dans Charlemagne, je suis un professeur, mais en Christ, moi, je ne sais rien, je ne suis rien sans lui. Et puis, il s'est vraiment abandonné, il s'est vraiment laissé à l'Éternel. Et puis, il dit, verset 13, frère, je ne pense pas de l'avoir saisi, mais une seule chose je fais, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et ça, il parle de Jésus-Christ. Il dit qu'il ne veut plus considérer son passé, ce qu'il était, ce qu'il n'était pas. Il se concentre seulement vers Jésus-Christ parce que maintenant, c'est son futur, c'est sa vie, c'est tout pour lui. Donc, on peut même le lire à la maison, versets 7 à 13, pour encore bien saisir ce passage qui est important. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. One thing I do. We still have it forward. Amen. Amen. We still have it later. I'll talk about it later. But now let's go to Matthew 6. Wir lesen Matthew 6. Matthew 6. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 6. Matthew 6, verse 22 à 24. He had talked about the double eye and a single eye. He's talking about the narrow gate. Amen. Mm-hmm. Hier geht es ein Auge, das sozusagen in eine Richtung guckt und zwei gespaltene Augen, die in zwei verschiedene Richtungen gucken. Donc ici parle d'un œil, un seul œil, qui bien des yeux qui regardent dans un dans une position et où et d'un des yeux qui regardent dans des places différentes. Différentes directions. Dans différentes directions. Voilà. Amen. Let's read it first. On va le lire. He said, "The light of the body is the eye. If therefore your eye be single, the whole body shall be full of light. But if your eyes be evil, evil eye means double eye." Are you getting it? A double-minded man can get nothing from God. That's the book of James. Amen. If your eyes is evil, it means double. You are not, it's not Christ alone, it's Christ plus something else. Wenn dein Auge verdorben ist, dann bedeutet es, dass dein Auge gespalten ist, dass deine Augen gespalten sind, dass das eine Auge in die eine Richtung guckt und das andere in die andere Richtung. Und das ist Finsternis. Et si, il dit que, verset 23, il dit que, mais si ton œil est mauvais, donc ça, on est en mauvais état, quand ton œil est en mauvais état, ça signifie que quand ton œil, un regarde gauche, l'autre regarde à droite, donc il regarde dans le ténèbre. Il dit que tout ton corps sera dans le ténèbre si tu oses à diviser ton œil. Amen. Tes yeux. A double eye also means today you are Christ, tomorrow you are not a doubting Thomas. Mm-hmm. Und zwei gespaltene, getrennte Augen bedeuten gleichzeitig, dass du heute Christus sein kannst und morgen bist du Thomas, der anfängt jedes Wort von Christus anzuzweifeln. Donc, ça signifie aussi les yeux mauvais, ça signifie aussi des yeux qui sont aujourd'hui tu es en Christ, demain tu es en train de douter le Christ. Après demain tu es en Christ, après tu doutes encore l'Éternel. Ça signifie que tu n'es pas ni chaud ni froid et ça c'est déjà ce sont des yeux mauvais. Today you believe Christ is everything. Tomorrow you are full of fear. Heute glaubst du, dass Christus alles ist. I see yourself that nothing is working. Double-minded man can get nothing from Christ. Mit dem einen Auge siehst du, dass Christus alles ist und bist total on fire für Christus. Mit dem anderen Auge fängst du wieder an, alles in Frage zu stellen oder fängst an, dich selbst zu sehen, dein Selbst zu sehen. Und dieses zweigespaltene Auge kann von Christus nichts erlangen, weil du mal hier und mal da bist. Das signifie aussi que quand tu as beaucoup de doutes en toi, tu crois l'Éternel, mais que tu as des doutes. Ce sont des yeux qui ne peuvent aussi rien obtenir du Saint-Esprit, de l'Éternel. Parce que tu es en train d'attendre une victoire, d'attendre une position, d'attendre une guérison, d'attendre des histoires. Mais dans ton cœur, tu es en train de douter. Tu as des mauvais yeux. Tu crois aujourd'hui à l'Éternel et demain, tu ne crois plus. Et comme ça, tu ne peux jamais avoir une victoire. You better allow that yourself to be dead and buried. Jesus said you have to hate it. Hate that self. Und du solltest lieber zulassen, dass dieses Selbst von dir. Yourself that you consider, that you see, you compare to others. Und du solltest zulassen, dass dieses Selbst von dir tot und begraben ist und begraben bleibt, weil du überhaupt gar nichts von Christus, also dieses Selbst steht dir komplett im Weg, weil dieses Selbst verbindest du mit dir, dieses Selbst wird dich daran hindern, Christus zu sehen, und deswegen muss es tot und begraben bleiben. Et c'est pour cela, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment important de tuer le soi, hein, donc tes propres désirs, ta propre pensée, tes propres plans, principes, ton soi, tu dois le tuer parce que ça va t'empêcher à suivre Jésus-Christ, ça va t'empêcher toujours à te voir les limites, parce que les limites, c'est comment toi tu te sens. Et c'est pour cela, il dit aussi à verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais l'œil est en bon état si tu regardes seulement l'Éternel. Mais si tu regardes à l'Éternel et avec d'autres œils, tu regardes toi-même, tu vas commencer à t'empêcher à être en bon état. Look at what Jesus called a double eye. In verse 23. Look at it. But if your eye be evil, your body shall be full of darkness. Mm-hmm. If therefore the light that is indeed be darkness, how great is that darkness? Mm-hmm. Praise the Lord. This is dangerous. Mm-hmm. Amen. That's why you just allow it to be single. Mm-hmm.